Salut! Bonjour! Au revoir! 2. Salut Pierre! Bonjour Paul! Au revoir Luc! 3. Salut Richard! Bonjour madame! Au revoir Marie!